L'Istituto Geografico De Agostini presenta Il francese per te. Deuxième niveau. Unité 52. Prise de parole. Je mène une vie saine. Vous allez écouter et répéter quelques phrases à propos de la santé. Comment ça va aujourd'hui? Je vais bien. Enfin, je vais mieux, oui, et vraiment mieux. Hier, j'allais si mal. Je pensais avoir contracté quelques maladies, mais j'étais contrarié, c'est tout. Pour avoir une bonne santé, il faut manger beaucoup de fruits. Mais puisque je te dis que je déteste les fruits. Tu es toujours en bonne santé, comment fais-tu? Je mène une vie saine, c'est pas difficile. Je crois que je suis en train de couver une maladie. Un rhume sans doute. J'ai même un peu de fièvre. Il ne faut pas que tu gênes comme ça tous les jours. Je n'en peux plus, moi. C'est vrai, ça. C'est moi qui vais être souffrant à la fin de l'histoire. Alain? Non, il ne peut pas sortir avec vous. Il est alité. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Il a de la température. Il doit se reposer. Il y a une épidémie de grippe au bureau. Ah bon? Alors je n'irai pas travailler aujourd'hui. La grippe, c'est contagieux. Et je n'ai pas du tout envie de tomber malade. Pourquoi certaines personnes sont-elles obligées de rester en quarantaine? Après certaines maladies contagieuses, il faut rester isolé, en convalescence, pendant 40 jours. Je trouve que Paul a bien changé depuis sa maladie, pas toi? Oui, il a eu quelques complications, quelques séquelles, à ce qu'on dit. Arrête de geindre, elle n'est pas grave ta blessure, elle est vraiment bénigne. Quelle différence y a-t-il entre une maladie chronique, une maladie héréditaire et une maladie congénitale? Une maladie chronique, c'est une maladie qui se répète souvent. Une maladie héréditaire, c'est une maladie de famille. Et une maladie congénitale, c'est une maladie qu'on a dès la naissance. Je crois bien que c'est cela. Prise de parole. Pour ce petit bobo? Voici maintenant quelques phrases sur les différents médecins. Vous allez donc les écouter et vous les répéterez lentement. J'ai des douleurs partout, docteur, à la tête, aux jambes, aux mains, aux pieds. Bon, eh bien, commençons par la tête. De quelle douleur parlez-vous exactement, monsieur? Moi, je ne vais pas chez n'importe quel praticien. Et si tu tombes malade à l'étranger? J'attends de rentrer. Il n'y a que mon médecin traitant qui peut m'ausculter. Il y a tellement de charlatans et de guérisseurs de nos jours. Il faut faire très attention. Depuis quand pratiquez-vous la médecine, docteur? Depuis 20 ans. Pourquoi? Vous n'avez pas confiance? Tu veux déranger notre médecin de famille pour ce petit bobo? On ne sait jamais. Tous nos maux doivent être pris au sérieux. Le spécialiste dont je te parle a plusieurs cabinets médicaux, mais tu peux aussi l'appeler en consultation chez toi, comme tu veux. C'est grave, docteur? Je ne pense pas, mais il faut que je vous ausculte avec mon stéthoscope, et je dois aussi vous prendre la tension avant de pouvoir faire un diagnostic. Voici votre ordonnance. Je vous ai prescrit quelques médicaments. Il faudra les prendre tous, n'est-ce pas? C'est très important, ça. Sinon, vous ne guérirez pas. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Je ne sais pas. J'ai voulu essayer une recette que m'a donnée une de mes amies. Mais j'ai dû me tromper dans les doses. J'ai très, très mal au ventre, docteur. Je dois aller à la pharmacie pour acheter quelques remèdes et un sirop contre la toux pour Jean. Tu viens avec moi? Il faut suivre votre cure avec plus de sérieux, monsieur. Sinon, vous allez faire une rechute. Bien sûr, vous avez raison. Il faudrait aussi que vous me prescriviez des cachets d'aspirine pour ma femme. Elle a souvent mal à la tête ces temps-ci. Tu as su? Su quoi? Jacques est en prison. C'était un médecin marron. Tu te rends compte? Prise de parole. Un peu de patience, monsieur. Vous allez écouter quelques phrases sur l'hôpital. Vous les répéterez. Où est Marie? En vacances? Ça fait une semaine que je téléphone chez elle et personne ne répond. Elle a dû être hospitalisée au CHU. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est tombée dans l'escalier. Elle a plusieurs fractures aux jambes, mais ce n'est pas très grave. Si je dois être hospitalisée un jour, je choisirai une clinique, pas un hôpital. Si on pouvait être soigné chez soi, ce serait encore mieux, tu ne crois pas? C'est la troisième ambulance que j'entends. Oui, il y a eu un accident sur l'autoroute. Il faut absolument qu'on sache où se trouve le service des urgences. Notre copain vient juste d'avoir un accident de moto. Là, vous avez un poste de secours. Il pourra recevoir les premiers soins. Vite! Il faut que je sache combien de temps durera mon hospitalisation. Je dois téléphoner à mon bureau le plus vite possible. Il faut faire une radiographie et puis ensuite plâtrer votre bras. Un peu de patience, monsieur. Je suis le chirurgien qui vous opérera demain matin, madame. Comment allez-vous? Bien, mais cette opération est vraiment nécessaire, monsieur? Il est absolument nécessaire, oui, que vous subissiez cette opération. Mais vous verrez bientôt, tout cela ne sera qu'un souvenir. Prise de parole. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Vous allez écouter et répéter maintenant quelques phrases sur les différentes spécialités de la médecine. Je cherche un malade qui vient d'avoir un infarctus. Il faut aller en cardiologie, madame. Là, vous pourrez parler au cardiologue. Tu ne pourras jamais rien faire contre tes allergies si tu ne prends pas quelques rendez-vous avec un dermatologue. La dermatologie, tu peux me croire, c'est ta seule chance. Je voudrais devenir un grand médecin. Et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans la médecine? La radiologie, oui. J'aimerais vraiment devenir radiologue. Ma femme vient d'être hospitalisée dans cet hôpital. Dites-moi où elle se trouve, dites-le-moi s'il vous plaît. Je cherche un ami qui est médecin dans cette clinique. Quelle est sa spécialité? Sa quoi? Sa spécialité, la neurologie, la psychiatrie, la gynécologie ou bien l'ophtalmologie, l'otorhinolaryngologie ou bien la pédiatrie ou la stomatologie. Ne me dis pas que tu veux devenir psychiatre. Pas psychiatre, neurologue. Tu ne m'avais jamais dit que tu voulais vivre avec les fous. Ah ça, tu ne me l'avais jamais dit. Pas vivre avec les fous, guérir les fous, c'est bien différent. Il faut aller chez un ophtalmologue si tu as toujours mal aux yeux. C'est une semaine terrible. Demain, j'ai rendez-vous chez mon gynécologue. Mercredi, je dois accompagner mon fils chez l'otorhinolaryngologiste. Et puis, chez le pédiatre. Et vendredi, ma fille, chez le stomatologiste. Écoute. Les vrais hommes. Vous allez maintenant écouter ces quelques expressions imagées. Il faut que tu sois bien portant si tu veux devenir un champion de foot. Et pour cela, il faut manger beaucoup de fruits. Tu as bonne mine ce matin. C'est normal, je rentre de vacances. Comment fais-tu pour avoir toujours le teint frais? Je dors beaucoup, c'est mon secret. Vous vous portez comme un charme, madame. Il faut toujours avoir bon pied et bon œil pour réussir dans la vie. C'est vous qui me l'avez dit, monsieur. Vos enfants respirent la santé. Les miens ont toujours des rhumes, c'est terrible. Il faut vivre à la campagne, comme nous, et vous verrez que la santé de toute la famille sera excellente. C'est ton anniversaire? À ta santé, alors. J'ai toujours eu une petite santé. C'est vrai. Je trouve que tu as souvent les traits tirés. Je suis vraiment mal en point aujourd'hui. Je dois couver quelque chose. Rentre chez toi alors et repose-toi un peu. D'accord, tu n'as pas réussi ton examen de mathématiques, mais tu ne vas pas en faire une maladie. Ça ira mieux la prochaine fois, tu verras. J'adore les acteurs qui ont une beauté maladive. Et toi ? Ah, ça non. Je préfère les hommes comme Jean Gabin et Lino Ventura, les vrais hommes. Fais attention quand tu parles à Anne. Elle a un drôle de caractère. Je sais, je m'en suis aperçu. Une beauté, mais aussi une sensibilité et une curiosité maladive. Conversation. L'habitude, je vous ai dit. Alors, comment vous sentez-vous pour votre première opération ? C'est difficile à dire, docteur. Moi, je trouve que vous n'avez pas bonne mine, ni l'un ni l'autre. Vous n'allez pas vous évanouir, j'espère. Ce n'est pas le moment, vous savez. Non, vous n'avez rien à craindre. Mais tout se sent. Je sais. C'est une question d'habitude. Vous verrez, après 3 ou 4 opérations, ça ira beaucoup mieux. Mais vous, docteur, comment faites-vous pour rester aussi calme ? L'habitude, je vous ai dit. Mais je peux vous dire que les premières fois, c'était terrible. L'opération, bien sûr, mais aussi la responsabilité. Et vous n'avez jamais eu de problème ? Il peut toujours arriver quelques complications, pendant l'opération ou après. Après, c'est plus fréquent. C'est quand même une profession merveilleuse, chirurgien. Fantastique, oui. Allez, on continue. History. Alors, comment vous sentez-vous pour votre première opération ? C'est difficile à dire, docteur. Moi, je trouve que vous n'avez pas bonne mine, ni l'un ni l'autre. Vous n'allez pas vous évanouir, j'espère. Ce n'est pas le moment, vous savez. Non, vous n'avez rien à craindre, mais tout se sent. Je sais, c'est une question d'habitude. Vous verrez, après 3 ou 4 opérations, ça ira beaucoup mieux. Mais vous, docteur, comment faites-vous pour rester aussi calme ? L'habitude, je vous ai dit. Mais je peux vous dire que les premières fois, c'était terrible. L'opération, bien sûr, mais aussi la responsabilité. Et vous n'avez jamais eu de problème ? Il peut toujours arriver quelques complications, pendant l'opération ou après. Après, c'est plus fréquent. C'est quand même une profession merveilleuse, chirurgien. Fantastique, oui. Allez, on continue. Bistouri. De drôles de bruits. Madame, je vous écoute. Posez-moi des questions, docteur. C'est vous qui devez parler, madame. Vous devez dire tout ce qui vous passe par la tête. J'ai la tête vide. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Alors, expliquez-moi encore votre problème. J'entends de drôles de bruits partout et tout le temps. Quels bruits ? Des bruits, n'importe quoi, toute la journée. Ça ne s'arrête jamais. Ça court dans ma tête, d'une oreille à l'autre, le jour, la nuit. Et vous avez vu un otorhinolaryngologiste ? Pourquoi faire ? Vous avez peut-être un problème aux oreilles. Aux oreilles, simplement. Vous comprenez ? Mais ce ne sont pas les oreilles, j'en suis sûre. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas mal. J'entends des bruits, c'est tout. Depuis quand ? Depuis plusieurs années. Et vous avez attendu tout ce temps avant de venir chez moi ? Avant, je ne m'en rendais pas vraiment compte. Et puis, mon mari est un homme qui parle. Nous nous sommes séparés il y a quelques mois, c'est alors que je m'en suis aperçue. Lui, il n'était plus là, mais sa voix, si. Alors, c'est la voix de votre mari que vous entendez ? Parfois, oui. Et que dit-elle, la voix de votre mari ? Je ne sais pas. Elle parle comme s'il était là. Alors je vous conseillerais de lui téléphoner. À qui ? À votre ex-mari, bien sûr. Vous verrez que petit à petit, ça ira mieux. Et les voix s'arrêteront ? Chaque fois que vous raccrocherez. D'accord ? D'accord. Madame, je vous écoute. Posez-moi des questions, docteur. C'est vous qui devez parler, madame. Vous devez dire tout ce qui vous passe par la tête. J'ai la tête vide. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Alors, expliquez-moi encore votre problème.

Tu devrais arroser davantage ton jardin. Je l'arrose tous les soirs. Regarde l'écorce des arbres. Elle est complètement sèche. Cela signifie que les arbres ont soif. Fais attention quand tu achètes le pain. Regarde, la croûte est complètement brûlée. J'ai horreur de ça. Ce n'est pas de ma faute, c'est le boulanger. Change de boulanger. Pierre, un peintre? Tu rigoles? Sa maison est pleine de ses toiles. Des toiles? Des croûtes, tu veux dire? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour gagner ta croûte? Je travaille dans une banque, mais je n'en peux vraiment plus. Tu veux casser la croûte avec moi? Non, je n'ai pas faim. Il fait trop chaud et je suis trop fatigué. Tu connais le nom des différentes aires géologiques? Il y a l'air primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Attention, ne marche pas trop sur le bord. Pourquoi? Il y a eu dernièrement des éboulements dus à l'érosion. Non, je refuse de sortir avec Paul. Pourquoi? Moi, je le trouve très sympathique. Oui, mais il parle sans arrêt et il veut toujours avoir raison. Ça me fatigue. C'est vrai qu'il parle beaucoup et il n'y a jamais aucune faille dans ses raisonnements. Le tremblement de terre a été provoqué par le mouvement de la faille. C'est quoi une faille? C'est une fracture de l'écorce terrestre. Prise de parole. À l'improviste. Voici maintenant quelques phrases à propos des volcans. Vous allez donc les écouter et vous les répéterez lentement. J'adore me promener sur les volcans. Les volcans éteints, j'espère. Les volcans en activité, bien sûr. Près des cratères, entre les fumerolles. C'est magnifique. J'ai un ami qui est vulcanologue, et moi, la vulcanologie, ça me passionne. Les cendres, la lave, je trouve ça fascinant. Pas toi? Pas du tout. Qu'une éruption volcanique te surprenne dans tes promenades sur les cratères, et tu verras. Fais attention, une éruption, c'est souvent imprévisible. Ça arrive comme ça, à l'improviste, quand tu t'y attends le moins. Que ça puisse arriver, d'accord, mais il y a toujours des avertissements. Mais je croyais que Jean était à Paris. Oui, mais il vient de téléphoner. Il arrive dans une heure. Il arrive toujours à l'improviste. C'est dimanche et tous les magasins sont fermés. Qu'est-ce que je vais lui donner à manger? Pourquoi n'as-tu pas accepté l'invitation de Jacques? Il me prend toujours à l'improviste. Je n'avais rien à me mettre. Voici un petit dialogue. Écoutez-le et répétez-le avec attention. Tu es fou de vouloir passer tes vacances sur un volcan en activité. La vulcanologie, c'est ma passion, tu le sais bien. Mais c'est très dangereux. Il y a des risques, c'est vrai, mais des risques, il y en a aussi sur l'autoroute. Tu ne vas pas comparer un cratère à une voiture quand même. Que ça te surprenne, c'est curieux. Et pourquoi? Parce qu'une éruption volcanique, ça n'arrive pas comme ça, par miracle. Un accident de voiture, au contraire, ça peut arriver d'un moment à l'autre. Prise de parole. Petite feuille pétrifiée. Voici quelques phrases sur la paléontologie. Écoutez-les et répétez-les. Mon grand-père était paléontologue. Il a arpenté toute la région à la recherche de fossiles. Ah, je ne savais pas que c'était une région fossilifère ici. On m'a dit que tu as une collection de fossiles très importante, c'est vrai? Oui, j'ai des empreintes de fougères, des os de petits animaux. Des os de dinosaures aussi? Non, malheureusement non. Mon voisin est un paléontologue connu dans le monde entier. Il ne doit plus être très jeune alors. Ah ça non, c'est un vieux fossile. Regarde ce que j'ai trouvé, une petite feuille pétrifiée. C'est un très beau fossile, tu as vu? Quelle chance! Tu me le vends? Un fossile, ça? Mais ce n'est qu'un petit caillou, une petite pierre. Comment fais-tu pour trouver des fossiles sur ces chemins pierreux et caillouteux? L'habitude, mon vieux. C'est une question d'habitude. Jean m'a offert une pierre précieuse pour mon anniversaire. Tu te rends compte? Quel genre de pierre précieuse? Un diamant. Tu as beaucoup de fossiles. Tu m'en donnes un? Je ne t'en donnerai pas parce que tu te moques toujours de moi quand je parle de paléontologie. Tu as vu toutes les pierreries qu'il y a sur cette robe? C'est normal. Cette robe appartenait à une reine espagnole. Prise de parole. Mine à ciel ouvert. Vous allez écouter avec attention et répéter lentement les phrases suivantes sur les différents types de pierres. Tu sais, le monde minéral est aussi intéressant que le monde animal ou végétal. Oui, mais ça me semble aussi plus ennuyeux à étudier. On extrait le métal de ce minerai que tu vois là sur la table. Et on le trouve où, ce minerai? Un peu partout dans la région. Tu t'intéresses vraiment à la minéralogie? Oui, je possède une collection de minéraux très intéressants à la maison. Tu peux passer chez moi quand tu veux. Il y a des carrières partout sur cette côte. On y extrait quoi exactement? Roche, sable, marbre, granit, quartz, silex. Mais tu dois penser que la côte dont tu me parles fait plus de 500 kilomètres. Comme j'aimerais trouver un gisement d'or. Et après? Après? Fini la carrière, les problèmes, la fatigue. Je m'installe dans une île déserte. Moi, les bijoux, j'adore ça. Quels bijoux? Tous. Les diamants, les émeraudes, les saphirs. Les topazes. Les rubis, les aigmarines. Quelles que soient les pierres précieuses, j'aime tout ce qui est brillant. Voici un petit dialogue. Vous allez l'écouter et vous le répéterez. J'aurais aimé être chercheur d'or. Ça existe encore, tu sais. Oui, mais ce n'est plus la même chose. Pourquoi? Il y a encore quelques mines à ciel ouvert, au Brésil, je crois. Le Brésil, c'est loin. Au Canada aussi. Le Canada, c'est froid. Alors, je te conseille de t'installer dans ton fauteuil, de fermer les yeux et de rêver.